Comment ça va, Raymond? Ça va bien, toi? Ben, ça va très, très bien, merci. Et t'es avec nous ce midi pour nous jaser un peu du Pew Research Center, qui, cette année, fait une série d'analyses et de rapports sur les 25 prochaines années du web. Exactement. On a déjà parlé de ce centre de recherche-là la semaine dernière avec ses rapports sur Twitter qui étaient bien intéressants. Et je me suis dit, en saison estivale, farfouillons un peu plus loin sur le site. Et, notamment, en fait, ils sont en train de lancer une série de rapports pour célébrer les 25 ans d'Internet pour, essayer de voir, après 25 ans, de quelle manière on pourrait anticiper, de quelle manière on pourrait prévoir les 25 prochaines années. Ouais. Et donc déjà, ils se sont intéressés à différents aspects, que ce soit les questions de sécurité, que ce soit les questions de société, que ce soit les questions s'il y a l'Internet des objets, donc la nouvelle manière dont on va avoir d'utiliser le web dans l'avenir. Oui, parce qu'on en parlait il y a quelques semaines, tout devient connecté de la simple borne fontaine au trottoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de se lancer sur ces sujets-là, ils ont décidé de faire un petit état des lieux pour savoir aussi c'est quoi un peu le taux d'utilisation aux États-Unis du web. Et finalement, pour remarquer que c'est la vaste majorité des Américains qui sont sur Internet, qui utilisent Internet, ça on le savait déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont demandé aussi aux usagers d'Internet, est-ce que vous seriez prêt à... laisser tomber le web. Donc, si on arrivait dans une nouvelle société où il n'y avait plus d'Internet, est-ce que ça serait correct pour vous? Est-ce que ça serait facile? Il y a 53 des usagers qui ont dit que ça serait extrêmement difficile de se passer d'Internet sur aujourd'hui. Sur combien? Sur 100? Sur 100. Donc, 53 qui ont dit extrêmement difficile. Donc, c'est quand même pas rien, là. Parallèlement, il y a 49% des utilisateurs de téléphones intelligents qui ont dit la même chose. Okay. Donc, c'est quand même pas rien. Et par comparatif, dans ce même sondage-là, ils ont posé la question pour la télévision et aussi pour le téléphone ligne fixe. Oui. Pour la télévision, c'est 35% des adultes qui ont dit que ce serait extrêmement difficile de s'en passer. Donc, il y a plus de gens qui seraient incapables de se passer d'Internet que de gens qui seraient capables de se passer de la télé. On voit qu'il y a une certaine évolution dans l'utilisation des médias, là. Exactement. Et pour le téléphone fixe, là, c'est 28% des gens qui disent « mais c'est essentiel à ma vie d'avoir une ligne ». Ah oui. Donc, okay. C'est quand même pas rien. Donc, effectivement, ça veut dire que la tendance, selon eux, ben effectivement, comme tu le signalais, elle est à la hausse, elle est en progression. Les gens ont de plus en plus Internet et ce mode de communication-là va s'imposer comme étant le mode de communication principal pour l'avenir, si ce n'est déjà fait actuellement, évidemment. Et de là, donc, on en vient aux différentes thématiques, notamment celle par laquelle je commence, je la trouve la plus intéressante, c'est les questions de sécurité Internet. Oui. Parce qu'il faut dire, quand on en parle actuellement, c'est les grands scandales, c'est les grandes préoccupations aussi, et c'est généralement ce qui fait la manchette dans l'actualité. Oui. Donc, comment on pourrait envisager l'évolution de ça au fil des 25 prochaines années? Question de ne pas seulement être l'avis du Pew Research Internet Center et de ses spécialistes. Ils ont décidé d'aller chercher une série, une pléiade de gens intéressés, de gens préoccupés, okay, de spécialistes, d'experts un peu partout à travers les États-Unis pour leur demander leur opinion. Donc, ce qui fait que ce projet-là devient, au bout du compte, une espèce d'inventaire d'opinion. Ouais. Donc, oui, l'opinion d'un expert est l'opinion d'un expert, mais si on a une quarantaine d'experts qui disent la même chose, ben, on peut s'imaginer que ça reste quelque chose de préoccupant. En même temps, Internet, c'est tellement vaste que toutes les opinions se valent. Donc, comment on va faire pour un peu débroussailler tout ça? Ça va être un énorme travail, là. Exactement. Alors, donc, ça, c'est le contexte général. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on en dit? Ben, première chose, c'est qu'il y a il risque d'avoir des actions par des États pour essayer de maintenir la sécurité, un contrôle politique, et que cette volonté-là, voire même ces velléités-là, dans certains cas, pourrait amener plus de blocages, plus de filtres, une segmentation. En fait, ce qu'on dit, c'est la balkanisation du web, guillemets. On l'a vu, remarque, avec notamment le printemps arabe, donc l'Égypte qui essayait de contrôler l'accès au web pendant un bout de temps. On le voit aussi avec le grand mur de Chine, le Great Firewall of China, comme on le nomme en anglais. Alors, il y a vraiment une volonté des États de contrôler ça parce qu'on sait l'impact que ça peut avoir, que ce soit organisationnel, que ce soit en termes de discours et le reste. Donc, qui est capable de contrôler le web? Ben, nécessairement, quand même un certain contrôle pour l'opinion. Effectivement. Mais le web est-il contrôlable? Donc ça, c'est l'autre question. Okay. Ça, effectivement, parce que le principe d'Internet étant justement d'utiliser ça pour que l'information s'échange le plus rapidement possible. Donc, comment est-ce qu'on départage ce qui est ce qu'on doit finalement contrôler de ce qu'on ne doit pas contrôler? Et là, il va y avoir des gens qui vont être un petit peu fâchés, j'ai l'impression, des décisions qui seront prises. Et là-dedans, c'est qu'il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts commerciaux, mais de grands empires commerciaux aussi. Alors, de quelle manière ça va se placer? Donc, c'est difficile de dire que nécessairement ça va arriver, mais à tout le moins, ce qu'on envisage, c'est qu'il y aura, disons, une volonté plus accentuée de certains de contrôler cet aspect-là. Et ça, dans un contexte aussi où, avec des initiatives comme on l'a vu avec WikiLeaks notamment, ben, il va y avoir aussi de plus en plus de transparence, transparence volontaire ou involontaire. Mmh. Et donc, pour eux, ben, ça veut dire que, d'un côté, les gouvernements vont voir des informations qui étaient jugées jusqu'à récemment secrètes et stratégiques comme étant de l'information publique. Ouais. Donc, le public va avoir accès à des choses qu'on ne voulait pas qu'ils sachent, peut-être une crise de confiance à prévoir envers les gouvernements. Et parallèlement, ben, la présence ou l'existence de cette possibilité-là va amener les États à mettre en place plus de surveillance, plus d'outils pour s'assurer que l'information ne filtre pas. L'inverse est aussi vrai, là. Et les deux peuvent coexister assez facilement aussi. Alors, de quelle manière ça va se passer, tout ça? Est-ce que, effectivement, donc, la confiance envers les États va amener à 1.0? Est-ce qu'au contraire, les États vont tout faire pour qu'on garde confiance, mais en faisant trop, ben, peut-être que ça va amener d'autres dérives? Et là, ajoutons à ça une planète de plus en plus mondialisée, donc il va falloir que les pays s'entendent entre eux. On n'est pas loin d'un scénario de film de science-fiction. Écoutez, Orwell serait emballé. Et évidemment, avec ça aussi, il y a la question donc des pressions commerciales. On en parlait tout à l'heure au niveau du contrôle, au niveau de la transparence. Donc, il n'y aura pas que les États qui sont des joueurs sur le web. Il y a les entreprises. Évidemment, il y a les internautes aussi, parce que toute la question aussi de la neutralité du net. Donc, quel rôle doit avoir le net? Est-ce que l'Internet doit être neutre? Qu'est-ce que c'est la neutralité du net? On le sait pas encore. On s'entend pas à savoir qu'est-ce que c'est non plus. Faudrait la définir en premier lieu, cette neutralité-là. Exactement. Et s'assurer que ce soit une définition qui convienne à tout le monde, ce qui est pas non plus quelque chose d'évident. Alors, de quelle manière on navigue un peu dans ces eaux-là? C'est un peu les préoccupations de ces experts-là quant à la sécurité. Alors, évidemment, le scénario sécurité est différent des scénarios qu'ils ont envisagé au niveau de la vie digitale. Parce que on est moins dans quelque chose de sensible. On est plus dans essayer d'anticiper quel type d'usage on pourrait faire autour de tout ça. Donc, évidemment, on en vient à l'idée d'Internet connecté. Il y en a même qui vont un peu plus loin en disant, ben, éventuellement, on pourrait s'imaginer que le partage d'informations sur le web va se faire sans effort, va être imprégné dans la réalité quotidienne, va devenir, dans le fond, une part invisible de la réalité quotidienne. Donc, qu'on va être entouré un peu, qu'on va vivre à l'intérieur du web. Sans même qu'on s'en rende compte. Exactement. Donc, la réalité va être concomitante avec le web. À ça, ben, on ajoute aussi que l'idée que, comme Internet va s'étendre, ben, la connectivité va être globale. Donc, est-ce qu'on en arriverait à cette idée de village global, à cette idée, de véritable mondialisation, d'union des cultures? Donc, ça, c'est la question. Évidemment, après ça, il y a l'autre question qui est à savoir, ben, comment on va faire maintenant pour protéger les régionalistes en lumière de cette nouvelle réalité-là. Effectivement, là, et là, encore une fois, les décisions politiques entrent en ligne de compte. C'est sûr, parce que si qui dit politique, qui dit aussi contrôle de l'information, mais aussi au niveau sociétaire. Donc, de quelle manière est-ce qu'on partage ça avec les citoyens? De quelle manière est-ce qu'on donne le droit aux citoyens aussi de partager des informations qui pourraient être sensibles? Et qu'est-ce qu'on va partager? Parce que là, on fait un peu aussi parallèle avec l'idée d'Internet des objets. Donc, que ce soit l'Internet des objets, l'intelligence artificielle ou les données massives, le big data, eh bien, ça va permettre aux gens, comme aux États, comme aux entreprises, d'être de plus en plus conscients de la nature du monde, de ce qui se passe dans le monde, des comportements, d'anticiper les comportements et le reste. Et dans le fond, on va en arriver à partager quand même de plus en plus de choses, mais arriver avec un profilage qui va être de plus en plus précis aussi. Oui. Donc, encore là, donc le bon côté, le mauvais côté, et dans un contexte où, avec l'idée de réalité augmentée, de technologie portable, donc on va pouvoir porter dans nos vêtements et le reste, ben on va pouvoir avoir effectivement donc des retours assez rapides par rapport à notre santé personnelle, par exemple. Mais d'un autre côté, mais ça va vouloir dire qu'il y a de l'information excessivement précise sur toi qui va être rendue disponible, peut-être à grande échelle selon les niveaux de privé versus public. Sans même qu'on le sache à l'occasion. Exactement. exactement, ou parfois dans des contextes où c'est le public qui est par défaut et qu'il faut y penser. Donc, comment on va jouer un peu avec ces éléments-là? Et justement, ça amène aussi donc la question à savoir de quelle manière on va émettre cette information-là, de quelle manière on va la protéger, de quelle manière on va la sécuriser. Dans un contexte aussi où on pourra se poser la question, mais est-ce qu'il y aura l'idée en fait des internets, donc plutôt que de l'internet, dans la mesure où on va se retrouver avec des internets scindés, donc des parties plus sécurisées, plus privées, plus communautaires, entreprises ou pays dans certains cas, avec un internet global auquel ces internets-là vont se raccrocher. Donc est-ce que c'est quelque chose qui pourrait devenir une réalité en cours de route? Déjà là, on voit les premiers balbutiements de ça avec les médias sociaux, ça devient internet dans internet là. Exactement. Et dans ce contexte-là aussi, faut s'entendre, même si les chiffres qu'on donnait au départ sont les chiffres américains, qui sont quand même assez favorables envers l'utilisation d'Internet, qui sont un peu la même chose au Canada aussi, mais c'est pas la même chose partout dans le monde. Non. Et les experts consultés par le Pew Research Center le signalent aussi, ils disent, mais regardez, ça va quand même aussi accentuer au fil des prochaines années l'écart entre ceux qui ont cet accès-là, qui ont ces outils-là, et ceux qui ne l'ont pas. Quel impact va avoir cette division-là? Est-ce qu'on va créer un pays, un monde à deux vitesses? Est-ce qu'on va créer deux mondes à travers ça? Donc, il y a quand même des questions assez sérieuses à se poser et là-dessus. De surcroît, il y a de plus en plus de pays aussi ou de juridictions du monde qui déclarent que l'utilisation d'Internet ou avoir accès à une connexion Internet est devenu un droit fondamental. Donc, ça donne déjà là le tempo là, pour les prochaines années. Là. Et ça, dans un contexte où les États vont avoir plus d'informations, dans un contexte où les sociétés qui ont ces accès-là, qui fournissent ces informations-là, vont s'attendre à des gestions de crise de plus en plus rapides, dans un contexte où d'autres pays ne seront pas en mesure de répondre rapidement aux mêmes crises. Donc, il y a quand même des, disons, beaucoup de questions. Quand on regarde les 25 prochaines années du web, il y a beaucoup de questions qu'on peut soulever. Et si on entre un peu plus de manière un peu plus accentuée dans la question de l'Internet des objets, eh bien, il y a aussi, donc, toutes les questions de vie privée. Donc, on a la définition de vie privée actuellement. Est-ce que cette définition-là va venir à changer? Est-ce que si les activités quotidiennes sont, je dirais pas surveillées, mais évaluées, en fait, parce que volontairement, on choisit de faire cette évaluation-là, eh bien, qu'est-ce que ça va changer dans la vision qu'on a de nous-mêmes, dans la vision que les autres ont de nous-mêmes, si cette information-là est partagée, dans la vision que les États peuvent avoir de leurs citoyens aussi, donc dans le positif, parce qu'on va savoir exactement à qui on a affaire, on peut répondre rapidement et exactement à ce qui est demandé, mais dans le négatif, parce que justement, on sait exactement à qui on a affaire. C'est ça. Donc, côté profilage, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Oui. Et après ça, en fait, l'information elle-même, donc, si les interfaces évoluent, de quelle manière on va aussi, aller traiter cette information-là dans l'avenir. Donc là, encore là, on rentre un peu dans la science-fiction, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'éventuellement, les interfaces clavier vont disparaître, ça va être des interfaces un peu plus virtuelles? Est-ce qu'éventuellement, on peut même anticiper que ce serait de cerveau à cerveau si on pousse un peu plus loin dans l'utopie science-fiction? Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Donc, on peut quand même manipuler des choses aujourd'hui avec les ondes de notre cerveau. On le fait pour, du moins avec des volontés et le reste, donc avec certains outils pour des personnes ayant des difficultés motrices et le reste. Oui. Donc, c'est quand même des choses qui sont étudiées actuellement. On peut s'imaginer que dans 25 ans, il va y avoir des progressions là-dessus. Oui. Pas nécessairement au point d'instaurer un réseau global, mais à tout le moins peut-être d'avoir des nouvelles questions. Si on peut dire. Parce que la recherche à la fois pratique et fondamentale en la matière est assez massive présentement là, sur ce sujet-là. Et évidemment, après ça, ce qu'on dit, c'est le thème, un des thèmes, je te le lance en anglais, je trouvais ça intéressant, on dit « We will live in a world where many things won't work and nobody will know how to fix them. » C'est très pessimiste, mais le problème étant que c'est probablement particulièrement vrai. Je sais pas comment réparer mon téléphone. Très sincèrement, non, c'est ça. Mon portable, ma connaissance est assez limitée. Je suis capable jusqu'à un certain point de le réparer. Et c'est la même chose, je pense, pour pas mal de gens. Donc, encore là, si on parle d'un Internet des objets, que les objets sont de plus en plus connectés, informatisés et le reste, mais ça veut dire que d'un côté, ça va être de plus en plus complexe pour le réparer. De l'autre côté, simplement, on fait la comparaison avec les automobiles aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui a une automobile des années 80-90, ça coûte quand même passablement moins cher changer des pièces que d'aller changer des pièces qui sont connectées à des réseaux électroniques dans l'auto. Exact. Et si on renforce ces réseaux-là, ben normalement, le coût va quand même aussi être différent ou l'expertise demandée à tout le moins va être différente. Oui. Il y a cette question-là. Et si je sors un peu du Pew Research Center, il y a aussi l'Agence internationale de l'énergie concernant l'Internet physique. Et c'est ma petite conclusion et question ouverte que je lance. L'idée des objets connectés pourrait aussi être à l'origine d'un éventuel gaspillage d'énergie assez imposant. Ah oui. Donc, ce qu'on dit du côté de l'agence, c'est que le parc mondial d'appareils connectés aurait consommé en 2013, il n'y en a pas des masses, il y en a beaucoup, mais il va en avoir beaucoup plus dans l'avenir. Donc, en 2013, on parle de 616 tétrawatts, donc plus qu'à la consommation annuelle d'électricité d'un pays comme le Canada. Et donc, sur ce 616 tétrawatts-là, c'est pas des tétrawatts d'utilisation, ce qu'on dit, c'est qu'il y en a 400 tétrawatts qui ont été consommés en pure perte. Parce que les objets sont connectés, mais les objets, même si moi je n'utilise pas, même peut-être que l'objet lui continue à évaluer, à émettre ses éléments, à fonctionner. Donc ce qu'on dit, c'est par exemple un modèle de TV connecté consommerait 25 watts en veille contre 30 watts en fonctionnement. Donc 80% de l'électricité consommée par les objets connectés n'aurait d'autre finalité que de les maintenir en veille. Aïe, aïe, non, mais quand tu m'as dit 400 tétrawatts, c'est la majorité de cette énergie-là qui a servi absolument à rien. et c'est pas toujours, on s'entend, là, l'énergie aussi, le coût environnemental d'énergie varie de pays en pays. 400 tétrawatts d'énergie au Canada avec l'énergie électrique, c'est une chose. 400 tétrawatts d'énergie au en charbon. Chine ou avec l'énergie au charbon, c'est une autre chose. Parce que si on compare, par exemple, l'auto électrique, donc au niveau pollution, au Canada, une auto avec batterie électrique, ça a pratiquement aucun coût environnemental parce que l'énergie est relativement propre. Mais par contre, en Chine, l'auto électrique, considérant qu'elle doit être rechargée au charbon, ben, elle a un impact environnemental qui est pire qu'une SUV. Effectivement. Donc, est-ce que là, l'électrique au Japon, finalement, c'est la solution? Pas nécessairement. Non. Ce serait peut-être de changer leur action énergétique. Mais il y a des grandes questions à soulever. C'est intéressant, c'est de voir qu'on les soulève, qu'on en est conscient. Donc, c'est quand même déjà la première étape parce que reste que on est dans un monde qui va tellement vite, qui évolue tellement vite, mais ces questions-là doivent être posées. Et les réponses à ces questions-là ou les attentes qu'on a face à ces préoccupations-là, c'est aussi ce qui va permettre au monde de façonner ce qui va devenir. Effectivement. Moi, ça me fait penser à BMW, justement, qui avait deux voitures électriques dernièrement en fibre de carbone. La production coûtait excessivement cher et ça prenait 100 fois plus d'énergie pour fabriquer la voiture qu'une voiture conventionnelle qui demande déjà beaucoup d'énergie à la fabrication. Donc, si on prenait from dust to dust, c'est-à-dire sur la durée de vie d'un véhicule, la BMW était plus polluante, même si elle était électrique, qu'un Hummer. Parce que sa fabrication était polluante au point de consommer des milliers de litres d'eau et en même temps d'énergie. Donc, des fois, il faut faire attention. Be careful what you wish for. Raymond Poirier, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? itis.ulaval.ca pour avoir un peu la ronde des activités qu'on propose à l'Institut de technologie de l'information et société. Déjà quelques éléments de l'agenda d'automne qui sont sortis. Et sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, @itis_UL. Et nous, on se voit dans 3 semaines. Puisque c'est les vacances, la semaine prochaine et l'autre d'après. Donc, on va se voir l'autre mercredi d'après. Raymond Poirier, toujours un plaisir et on se voit dans 3 semaines. Excellent. Salut.